On te croit dans un monde civilisé, mais c'est vraiment la jungle. Et dans cette jungle, si t'as envie de vivre, t'as intérêt à faire partie des animaux les plus forts. Si tu fais partie des autres, tu es juste un bout de gibier bon à sauver ton cul en courant toute ta vie. Mais tout ça, c'est de la loterie. Et tout se décide à ta naissance. Soit t'es né pauvre, comme la grande majorité, et tu encaisses la puissance des autres, mais à force d'être humilié, tu deviens parfois violent. Soit t'es né riche, et alors tu fais gaffe à ton fric. Tu fais comme les autres, et tu fais semblant d'aimer ta femme, tes enfants, tes amis, comme eux font tous semblant de t'aimer, t'aimer. On choisit pas son pays, pas ses parents, ça c'est l'étoile qui décide, te dessine, et si t'es froid, c'est nettoie. Ça commence sur le regard, et pas sans casse, sans stresser. Il s'amaigrit entouré de gens, ne pense en cas s'engraisser. Elle le pèse, lui pense que la tasse a gaffé. 22 ans, qu'il dit merci après chaque pièce mise dans la tasse à café. Marseille, tu n'es 60 billets, 60 cartes. Marcel, né sous l'étoile noire, un soir tu es 64. Parmi tous ceux qu'elle a vu naître, sans se regretter la vie. Moïse, 5 années peut-être, 37 degrés, t'es la vive. Une mère autoritaire, un père propre. Propriétaire aux arts, lui pour la tête qu'on fait la guerre, qu'on pile la terre aux arbres. De l'autre côté, gros, c'est Gaza, des carrelages russes. Pour manger, se battre caillou contre des carrelages russes. Hassan, loin de ces gens codifiés bruts. N'est pas méchant, mais tous ces gens d'Olivier brûlent. Et y'a Rawan, tout allait bien dans pas longtemps, 8 ans. Et c'est saourien, c'est tout ce qu'un saoudien, 40 ans, 8 ans. Juste avant, c'est son beau-père qui rit. En tête deux fois, puis il brilla, la vendu pour 10 000 rials à une bête de voix. Les râles d'un enfant entend ça, elle est en plein naufrage. Il lui fera vivre l'impensable. Mais elle est bien trop fragile. Pour leur mémoire, un jour l'indécence est un drame. Et t'es bienvenue sous l'étoile noire, là où la naissance est un drame. Moi c'est pareil, hein, je lutte. Et j'ai toujours lutté. Je sais, t'es comme moi, t'es une chose de mauvaise étoile. C'est qu'il y a des riches, il y a des pauvres, c'est toujours les pauvres qui payent. Et nous, on fait partie de ces pauvres. Enfin, vous allez toujours me voir. Ça fera plaisir. Il pourrait parler de la peur, atterrer sa flamme, sa fille. 80 balais de la peur, enterrer sa femme, sa fille. Personne ne viendra ressonner les rites d'une Bible matelas. Solitude est au sommet, l'urine un Bible matelas. Un vieillard dégoûté de vivre, à déboucher chaque rêve. Un désert de bouteilles vides où les mouches chaque rêve. Il est à l'horizontale, le pompier dans la maison tape. Mais il est mort les mecs, si l'étoile noire fait son taf. La misère mort les mêmes. J'ai lié à sa s'anime, elle file après la vie qu'elle voulait offrir à sa famille, elle file après l'africaine. Pousse le bateau sur le sable lourd de 500 autres. Elle repense les blessures, le sabre au jour de fin sans eau. Elle aurait voulu voir le soleil refaire fondre la merde. Mais elle est dans le plus grand des sommeils, dans le fond de la mer. Tu me rappelais que l'on paie tous. Fous-moi la paix, ceux qui paient le plus sont dans la baie de Lampedusa. Dans les rues de chaos, le chaos là tout sang. Dans un bordel de Macao, le chaos a 12 ans. Les orphelins de Brazza, les forces nées du Pérou. À force tu connais Gaza, les sorts connaissent du Beyrouth. La colère au Kenya, mais regarde les sacalmes. Le choléra le Ténia. Il le garde et les sacames. Tu crois vraiment qu'un jour l'indécence est un drame? T'es plein d'espoir pour leur bienvenue sous l'étoile noire où la naissance est un drame. Ça y est, j'ai chuté. Et je suis dans la merde. J'y suis tout entier, tout au fond. Mais je n'ai pas peur. Au contraire, je ne demande de l'aide à personne, J'irai plus loin. J'irai jusqu'au bout. Je creuserai un tunnel dans cet océan de merde qui m'entoure. C'est ça, l'intérêt. Allez, allez.